Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler avec le club de golf de Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique du club de golf avec notre ami Sébastien Marceau qui est le capitaine du club de golf. Salut Sébastien. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien. Qu'est-ce qui s'est passé finalement cette semaine au club de golf de Dolbeau-Mistassini? Bon, il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. Il n'y en a pas eu vraiment une belle température. On commence à avoir des températures qui sont correctes hier et aujourd'hui. Le chandage est quand même bon. Okay. On a eu un peu les vents qui ont été piqués lundi, mardi, pour faire l'aération de sol qui a causé un petit peu des vents un petit peu moins beaux, mais ça est en train de se résorber, donc on va être correct pour les prochains jours. OK. Ça, c'est... quand on dit une bonne achalandage, c'est combien à peu près, hein? Ben, je sais pas vraiment les chiffres que je peux te dire, mais je suis allé jouer hier. Il y avait quand même beaucoup de monde. Il y avait du monde qui frappait des balles. Yeah, il faisait beau. Les jeunes hier. Commencent à. Oui, il faisait beau, c'est ça. Fait que les jeunes, il y avait des jeunes un peu. Il y a des jeunes qui frappaient des balles. Non, on a eu du monde un petit peu. OK. Là, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Les premiers tournois. Le tournoi d'ouverture, c'est quand? C'est le 8 juin. OK. Le 8 juin, le tournoi d'ouverture. C'est pas trop cher. C'est 15$ pour membres et non-membres avec un super soir et une soirée d'ensemble. Okay. J'ai des prix aussi, j'ai cinq forfaits 18 trous à donner pour jouer au golf, donc dans les prix de présence qu'on va avoir dans ce soir. OK, dis-moi, là, c'est encore le temps de s'inscrire, y a-t-il des promotions, y a-t-il quelque chose, parle-moi des promotions un peu, voir. Des promotions, la plus grosse, pour le nouveau membre, la plus grosse promotion, c'est 375$ pour un nouveau membre. OK, ah, c'est bon. Donc, c'est accessible pour à peu près tout le monde. Encore aussi la promotion que si t'es pas été membre pendant 10 ans, t'as déjà été membre, mais ça fait 10 ans, ben c'est aussi 375$. Ah, OK. Donc tu recommences comme si t'étais nouveau membre après 10 ans. As-tu donné quelque chose à date, ça? Oui, il y a des nouveaux, oui. On peut dire qu'on a des nouveaux qui reviennent. On a des gens qui avaient pas vraiment depuis des années qui recommencent. OK. Fait que ensuite de ça, ben y a-tu eu un trou d'un coup jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, non. Il n'y a pas eu de trou d'un coup encore. Il n'y a pas eu d'expo encore de fait pour ça. Fait que c'est sûr que c'est plus tranquille. Fait que on va s'en reparler bientôt, Sébastien. Oui, c'est ça. Ben c'est ça. Le 1er juin arrive. Le 1er juin, c'est la date fatidique. Le beau temps va arriver maintenant. Il va arrêter de faire des -2 et des -1. Ouais, c'est ça. Exactement. Sébastien, on s'en reparle bientôt? Pas de problème, Danny. Sébastien Marceau, le capitaine du club de golf de Dolbeau-Mistassini.